du bitume au dur. Toujours dans les embrouilles, toujours dans les sales histoires. Frappe sa vie entre deux parloirs. Hein. Toujours dans les embrouilles, toujours dans les sales histoires. Le bitume a grandi, rappe sa vie entre deux parloirs. La vitesse humaine depuis ses 6 ans a forgé sa rage, a endurci son adolescence. Élevée par sa mère, sa ghetto de princesse, elle a le regard triste quand elle voit le chemin qu'a choisi son fils. Costume bitume est prêt à tout pour faire son bif. Mais des carottes vont du shit, volent et met des gifles. À l'école, on fout pas une. Sans chemin du crime, avance à toute allure. À 16 piges, roule sans permis. Dans de grosses voitures, le charme du ghetto, et qui plaît à toutes les filles. Ça rip, cause du bitume fume, mais ne se met rien dans le pif. Plutôt bon en calcul quand il faut compter son argent. Attiré par ce qui brille, il veut des gourmets en argent. Fait du mal autour de lui, sans s'en rendre compte. Cause du bitume ne parle plus, regarde en brouille, il est plombe. Tu n'en peux plus.